Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans l'histoire et un saut dans l'espace. Le saut dans l'histoire, ce sera pour découvrir André-Marie Ampère. C'est à lui que l'on doit l'unité de mesure de l'intensité des courants électriques. Mais Ampère fut tout un personnage que nous fera découvrir Dominique Boudreau du Centre de démonstration en sciences physiques. Et pour le voyage dans l'espace, l'univers, eh bien on va le faire maintenant avec Daniel Filion, qui finit sa maîtrise dans 2 semaines et qui a quand même trouvé le temps de venir faire un tour au micro de CKRL 89.1 et de Futur Simple pour donc sa maîtrise sur les lacs de l'Arctique et qui va poursuivre en doctorat sur l'étude d'un lac de l'Antarctique comme modèle d'étude d'un satellite de Jupiter. Voilà qui va nous emmener bien loin. Et cela lui a inspiré le sujet de sa chronique d'aujourd'hui, comment étudier l'espace en Arctique. Bonjour Daniel. Salut Valérie, merci pour l'invitation. Alors Daniel, dis-nous là un petit peu comment on peut étudier l'espace dans l'Arctique. Ouais, ça peut sembler un peu contre-intuitif hein, comme idée. Ouais. Mais en fait, cette idée-là est vraiment élégante, en fait, puisque, ça part d'une prémisse, en fait, que si on veut étudier l'espace, ouais, c'est plus difficile de s'y rendre. Hein. Ça implique certains coûts financiers, ouais, certains problèmes techniques. Donc, l'idée, en fait, c'est de rester sur Terre, puis d'explorer un peu les endroits extrêmes, les endroits un peu plus menaçants, un peu plus cruel même, puis de trouver des caractéristiques à ces endroits-là qui répliquent une ou plusieurs conditions sur d'autres corps célestes. Donc, ça peut être les planètes, ça peut être les lunes, un peu moins les étoiles. Là, c'est difficile de retrouver des endroits sur Terre qui répliquent l'intérieur d'une étoile, mais par exemple, les lunes de Jupiter, Mars, ça, c'est des endroits qui, sur Terre, vont présenter quelques caractéristiques qui peuvent être similaires. Donc, on peut penser à la température, donc des températures extrêmes. On peut aller dans des déserts ou on peut aller dans l'Arctique. On peut penser aussi à des endroits qui sont arides, donc encore une fois, les déserts. Si on veut étudier des systèmes aquatiques qui sont pauvres en oxygène, des lacs, il y en a un peu partout sur Terre, donc en fait, il suffit juste de magasiner un peu son endroit, dépendamment de ce qu'on veut étudier, de s'y rendre, puis de l'étudier, puis après ça, de tenter de faire des corrélations ou des similitudes avec des corps célestes. Ouais. Là. Effectivement, je pense que j'ai déjà entendu parler d'études qui se faisaient dans le désert de l'Atacama au Chili. Donc peut-être que c'est des conditions extrêmement arides qui simulent un petit peu ce qu'on trouve sur Mars, je ne sais trop. En effet, là, les déserts, là, c'est des endroits un peu privilégiés pour les études de d'autres planètes. Puis, en fait, avant même de se lancer un peu dans ces différents exemples-là, l'une des utilités des analogues planétaires, en fait, était utilisée dès les premiers programmes spatiaux pour aller sur Lune, utilisés par les astronautes, en fait. Ah oui, pour s'entraîner? Pour se préparer à ce qu'ils vont trouver sur place? C'est ça, tout à fait, puisque on y pense pas, là, mais si t'es un astronaute, t'es sur la Lune, ramasser une roche, c'est pas la même chose que ramasser une roche sur Terre. Hein? On est dans une gravité qui est pas la même, là, c'est 1/6 de celle de la planète Terre. Donc, fallait penser à une manière de reproduire les mêmes types de conditions. Puis, c'est ce que ces gens-là faisaient. Donc, ils revenaient un peu des étudiants, si tu veux. On les amenait dans toutes sortes d'endroits, là, surtout les déserts là, en Arizona, au Nevada. Puis, étant donné que la principale recherche en termes d'échantillonnage qui se faisait sur la Lune à l'époque, c'était au niveau géologique. C'était surtout l'échantillonnage de roches, puis ramener tout ça, là. Eh bien, ils ont dû faire des bonnes formations de géologie. Donc, ils se sont fait donner des nouveaux outils. Là, donc, ça prend des pelles spéciales, ça prend des sacs, des échantillonnages spéciaux, ça prend des techniques un peu différentes. Donc, en effet, ils se rendaient un peu dans des analogues qui ressemblaient à ce qu'on pourrait retrouver sur la Lune en termes de paysage. Mm-hmm. Puis, ils s'amusaient là pendant quelques mois. Puis, c'était un peu comme une école de géologie, mais sur le terrain pour les astronautes. Mm-hmm. Donc, ça vient un peu de... C'était une des utilités un peu moins connues des analogues planétaires. Ouais, effectivement, là, je ne connaissais pas du tout cette histoire-là. Bon, là, tu parles de rapporter des échantillons géologiques. Donc, on s'intéresse à quelque chose d'inorganique, là, la géologie. Mm-hmm. Mais des fois, on peut aussi s'intéresser peut-être à ces analogues planétaires pour chercher des conditions un peu extrêmes de vie, comme celles qu'il pourrait peut-être y avoir aussi sur des corps célestes. Oui, tout à fait. Donc, on essaie en fait de trouver des biosignatures. Donc, ce sont des signatures qui, un peu comme son nom l'indique, auraient été laissées là par la biologie. Donc, ce sont des espèces qu'on appelle des extrémophiles, donc des espèces qui sont adaptées à vivre dans des conditions qui, pour nous, sont extrêmes, qui, pour nous, seraient fatales. Puis, un des exemples, un des plus grands exemples de ça, en fait, c'est dans les lacs, les lacs sous-glaciaires. Ouais. Donc, si on imagine un lac qui est plusieurs kilomètres en dessous d'une couche de glace, bien, quelle sorte de conditions qu'on retrouve? Bien, on n'a pas accès à la lumière du soleil, par exemple. Mm-hmm. Donc, il fait noir. D'une part, mais il n'y a aussi pas d'énergie. Donc, il n'y a rien pour fournir l'énergie nécessaire pour activer des réactions chimiques ou des processus métaboliques. Donc là, il faut trouver une autre source d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce type de lac-là? Ben, souvent, les nutriments vont être assez faibles. Il n'y a pas de manière d'amener ces nutriments-là dans ces lacs-là. On peut penser aussi à l'oxygène. À un moment donné, quand on consomme tout l'oxygène qu'il y a, si on n'a pas de nouvelle source, on finit par tomber dans des conditions qu'on appelle anoxiques, c'est-à-dire qu'on est en absence d'oxygène. Donc, toutes ces conditions-là qui nous semblent qui sont assez extrêmes, en fait, il y a certains micro-organismes, eux, qui ne voient pas de problème à vivre là-dedans. Tout à fait. Puis, il y a des endroits comme ça sur Terre. Oui. Puis, peut-être pas tous, mais on connaît un endroit dans l'espace qui ressemble à ça. Oui? Alors dis-nous. Mon corps céleste préféré, là, en toute subjectivité, c'est une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe. Ouais. Europe, c'est l'une des quatre lunes galiléennes, donc une des lunes qui avait été répertoriée dès Galilée. Puis on peut d'ailleurs la voir là, quand même relativement bien au télescope. Là, ça apparaît comme un petit point. Puis Europe, c'est une lune sur laquelle il y a un océan d'eau. D'eau? Un océan d'eau? D'eau liquide. Mais est-ce qu'il est en surface? Il est sur la surface, mais il est enfoui de quelques kilomètres. Et encore là, il y a une barrière physique, une barrière de glace qui sépare cet océan-là du reste de l'univers, en fait. Là. Puis, donc là, on retrouve des conditions un peu primitives. Puis, en Antarctique, il y a des lacs qu'on appelle des lacs sous-glaciaires, donc des lacs qui sont en dessous d'une couche de glace comme ça. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller visiter ces lacs-là. Puis, si on réussit à atteindre l'eau, donc à percer la couverture de glace, on peut, après ça, penser à échantillonner l'eau, ramener ça au laboratoire, puis tenter de voir est-ce qu'il y a de la vie. Mm-hmm. Puis, s'il y a de la vie sur la Terre, pourquoi pas en avoir sur Europe? Oui. Donc, on les connaît, ces lacs. Est-ce qu'ils ont déjà été étudiés, ces lacs en Antarctique? C'est quoi, ces lacs en Antarctique qui sont sous la glace? On a du mal à imaginer comment il peut y avoir de l'eau liquide sous la glace. Oui, c'est ça. Donc, c'est des... Il y a deux choses. Premièrement, oui, il y en a plusieurs. Il y a à peu près 400 lacs sous-glaciaires comme ça qui sont répertoriés. Puis, l'idée d'avoir de l'eau en dessous de cette couche de glace-là, c'est qu'il fait froid en permanence. Donc, cette glace-là va jamais fondre, ou du moins, elle va fondre seulement partiellement. On va jamais se rendre à l'eau. Et c'est de l'eau qui est arrivée. Là, on tombe dans des échelles géologiques assez importantes. Là, on retombe il y a des millions d'années. Les continents, les endroits étaient pas aux mêmes endroits en ce moment. Donc, il y a du mouvement. Et ça fait que certains lacs comme ça, qui ont des origines géologiques un peu particulières, puis ils se retrouvent isolés comme ça, en dessous de ces énormes barrières de glace. Et donc, c'est de l'eau qui était là il y a des millions d'années et qui n'ont jamais revu l'atmosphère ou qui n'ont jamais revu la surface. Donc, et ils ne gèlent pas. et qui ne gèle pas, c'est de l'eau liquide. Donc, ouais. C'est de l'eau liquide qui peut abriter la vie. La difficulté, c'est pouvoir s'y rendre. Faut y accéder. C'est ça, faut être capable de percer cette couche de glace-là. Dans certains cas, c'est relativement possible, c'est relativement mince, mais un des exemples les plus impressionnants, un des exemples les plus coriaces un peu, c'est l'exemple du lac Vostok. Mm-hmm. Le lac Vostok, c'en est un, ça, un exemple de lac sous-glaciaire. C'est un lac qui a 4 km de glace au-dessus du lac. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de glace. On l'a découvert dans les années 60-70. À partir des années 1990, en 1991, les Russes ont commencé à tenter de percer cette couche de glace-là. Et ça l'a pris un bon moment. Là. Ça l'a pris 20 ans. 20 ans? Exactement, 20 ans, avec certaines pauses, certaines remises en question. Il y avait des moments où est-ce qu'il fallait qu'on s'arrête pour commencer à penser à comment on allait faire ça, parce qu'évidemment, ça prend une technologie assez particulière pour réussir à passer à travers autant de glace, puis à toujours comme monitorer où on en est. Et donc, il y a eu différentes pauses, puis finalement, en 2011, ils ont réussi à atteindre l'eau. Puis la petite anecdote, c'est qu'ils l'ont fait la veille avant de devoir quitter les lieux pour l'année d'après. Donc, ils ont vraiment réussi à l'avoir à la dernière minute. Là, c'était à 10h30 le soir, ils ont réussi à atteindre la surface de l'eau. Puis après ça, c'était un peu prêt, si tu veux, là, pour l'année suivante. Puis donc là, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a accès à cette eau-là. Puis durant ces 20 ans de forage et de perçage-là, eux, ils échantillonnaient la glace au fur et à mesure. Ouais, parce qu'en même temps, 4 km de glace, ça doit raconter une histoire. C'est ça. Donc, en même temps, parallèlement à ça, on prend des échantillons de glace, on ramène ça à la surface, puis on les analyse. Puis, il y a eu certains échantillons qui abritaient des micro-organismes. Donc, ils ont réussi à trouver des formes de vie dans la glace qui était au-dessus du lac. Donc, par logique, on pourrait s'attendre à ce que le lac lui-même aille de la vie. Donc ça, c'est l'hypothèse. Pour l'instant, ça n'a pas encore été... On ne l'a pas confirmé pour le moment. Non, il n'y a rien dans la littérature en ce moment qui prouve qu'ils ont découvert de la vie. Puis en fait, quand ils vont le découvrir, ça va être assez difficile de convaincre la communauté scientifique que ça en est, puisqu'on n'est jamais à l'abri de la contamination. C'est ça, exactement. Je me disais, les engins, les foreuses qu'on envoie sous la glace, ils ont été au contact d'humains, peut-être qu'ils sont en contact de l'air alentour, peut-être qu'ils emmènent dans le fond les micro-organismes de la surface. Exactement, ça. C'était pour ça qu'ils ont dû s'arrêter à plusieurs reprises, parce que c'était extrêmement controversé, puisqu'ils utilisaient des fluides pour forer qui étaient pas propres, du kérosène, du fréon, des trucs comme ça. Oui, ça pourrait détruire. Si jamais il y a effectivement une forme de vie en dessous, on pourrait la détruire avec cette pollution. Oui, exactement. Là. Donc, il a fallu qu'ils changent de technique à un certain moment. Ils ont réussi à trouver une alternative qui était un peu moins sale, mais quand même, on n'est jamais à l'abri de la contamination, parce que même si tu réussis à ramener ton échantillon d'eau propre, stérile, à la surface, il faut que tu le conserves efficacement possible pour qu'il demeure représentatif du lac. OK, donc il ne faut pas qu'il voit la lumière, il ne faut pas qu'il ait une température excessive, il faut le garder dans les conditions physiques comme en dessous. Exactement, puis c'est extrêmement compliqué, puisque de la poussière, des micro-organismes dans l'air, il y en a partout, de la lumière du soleil, il y en a partout, changement de température, changement de pH, un peu d'oxygène qui va... Tu mets ça en présence d'oxygène, l'oxygène va se dissoudre dans l'échantillon d'eau, puis là, tout d'un coup, tu as de l'oxygène dans de l'eau qu'il n'y en avait pas, ça donne lieu à plusieurs processus métaboliques et différentes réactions chimiques qui peuvent soudainement se produire. Mm-hmm. Donc, non, en effet, c'est tout qu'un défi, c'est pour ça que ça a été controversé. Et en fait, la contamination, c'est un pan de l'astrochimie et de l'astrobiologie, là, cette science-là d'étudier les analogues planétaires. Il y a des gens qui dans le domaine, se penchent vraiment sur cette question-là de développer des manières d'échantillonner avec le moins de contamination possible. Il y a des chercheurs à l'Université Laval, d'ailleurs, qui travaillent sur ça. Ouais. Mais en même temps, il y a cette recherche d'une forme de vie, de micro-organismes, mais rien qu'au niveau, qu'en étudiant la chimie, on doit pouvoir trouver peut-être des molécules organiques, sans même trouver de vie, proprement dite. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut trouver des, comme tu disais plutôt, des signatures chimiques de la vie, des molécules organiques? On se dit, bah là, c'est pas juste du minéral, il y a de l'organique derrière. C'est ça, tout à fait. Là, en fait, on parle de vie parce que c'est toujours cette quête ultime-là qu'on a. Ouais. Là. On est un peu obsédé avec raison de trouver la vie, mais en fait, t'as tout à fait raison, seulement trouver des molécules organiques, ça serait suffisant pour améliorer la compréhension qu'on a de ces systèmes-là. Si, encore une fois, si on réussit à trouver des molécules organiques dans ce type de système-là qui sont assez préservées de la pollution puis du reste de l'humanité depuis longtemps, puis en fait du reste de la planète depuis longtemps, ben, il n'y a aucune raison qui nous empêche de croire que ça serait mm-hmm. pas la même chose sur Europe. Donc, il y a toujours cette espèce de parallèle-là à faire. Mm-hmm. Si on réussit à en trouver sur Terre, ben, vu qu'on réplique, hein, par ces analogues planétaires, mm-hmm. les conditions d'un autre corps céleste, ben, ça donne des conclusions qui sont quand ouais. même intéressantes, là. Ça n'a quand même pas la même histoire. L'histoire géologique de Europe et de la Terre est quand même pas vraiment la même. Bon, là, tu disais, le lac de Vostok est là ouais. depuis des millions d'années. Il y a quand même une certaine histoire, une histoire de la vie quand même sur Terre, qui a peut-être pas eu quand même sur Europe non plus. Tout à fait. C'est un point important. Donc, encore une fois, faut pas s'emballer ouais. si jamais on trouve la vie dans ces lacs-là. Puis il y en a. Il y a des lacs sous-glaciaires ouais. en Antarctique qui ont des formes de vie, là. C'est pas, okay. c'est pas quelque chose qui est anormal. Okay. Donc, on n'en trouve pas régulièrement, mais ça existe. Okay. Donc, il ne faut pas tracer ce parallèle-là tout de suite, mais ça nous montre que ces espèces-là extrémophiles sont capables de s'adapter, mmh. même depuis des millions d'années, dans des environnements mmh. extrêmes comme ça. Donc, il y a ce parallèle-là qui peut être fait, mmh. on peut rester optimiste, puis en fait, ça nous aide surtout à comprendre un peu plus ces systèmes-là, comment ils fonctionnent, ouais. puis surtout comment la vie peut s'adapter. Là. Donc là, tu dis, dans le lac Vostok, on ne sait pas, il n'y a pas de littérature scientifique qui démontre qu'il y a une forme de vie, mais tu dis qu'il y a d'autres lacs sous-glaciaires en Antarctique, donc qui ont peut-être moins épais de glace, et dans ouais. laquelle on a aussi foré et trouvé des micro-organismes? Tout à fait. En fait, le lac sur lequel je vais travailler durant ma thèse, on l'appelle le lac Untersea, c'est un lac sous-glaciaire, donc encore une fois, qui est protégé d'une certaine couche de glace. Il est plus petit que le lac Vostok. On a quelques mètres seulement là, d'épaisseur de glace. Puis, dans ce lac-là, il y a une productivité primaire, il y a une forme de vie qui est relativement basse, mais qui est là quand même. Donc, ça nous donne des indices sur comment ces formes de vie-là ont pu s'adapter. Ah. Bon, c'est un lac qui a été isolé depuis un peu moins longtemps, mais quand même, c'est des formes de vie qui sont extrémophiles et qui nous donnent un peu cet optimisme-là là, qu'on voudrait avoir dans, mm-hmm. dans cette fameuse quête de la vie. Là. Et il n'y a pas de lumière, le couvert de glace est plus mince, mais il fait sombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'apport énergétique dans ce lac Unterstein. Untersee, très peu. Très peu. La lumière est toujours un peu un processus un peu tannant, étant donné que la lumière est bien un peu réussir à diffuser un peu à travers différents médiums, là. Donc, le lac Untersee, il faudrait que je revoie un peu pour pas dire de bêtises, là, mais c'est certainement un lac dans lequel il est sombre et où la lumière est extrêmement faible. On peut pas se fier sur cette ressource énergétique-là pour conduire tous les processus métaboliques, ouais. ça c'est certain. Là. Mais donc, il faut qu'il y ait une autre forme d'énergie, une autre source d'énergie? Ouais, ben en fait, les micro-organismes, même s'ils n'ont pas de d'oxygène ou quelque chose comme ça, ils vont réussir à en trouver ailleurs. Il y a d'autres espèces chimiques qui leur permettent de subvenir à leurs besoins, mais ça passe par des processus que nous, on peut pas concevoir puisqu'on utilise l'oxygène, puis mm-hmm. on utilise mais c'est des micro-organismes qui vont utiliser, par exemple, des sulfates ou des nitrates, ou même le fer. Ils mm-hmm. vont utiliser certaines réactions chimiques pour aller chercher de l'énergie dans ces réactions-là, puis réussir à survivre. Mmh. Donc, c'est ça que tu vas aller étudier donc dans ton doctorat que tu commences à l'automne prochain? Tout à fait, début septembre, c'est ça. Donc, je vais étudier un peu moins les formes de vie, étant donné que j'ai plus la formation en chimie. Donc, ouais. je vais étudier un peu plus la chimie de ces lacs-là, puisqu'ils ont des caractéristiques un peu anormales. Là. Ils ont des chimies, il y a certaines réactions chimiques qui se produisent qu'on comprend pas pourquoi. Mmh. Où il y a certaines espèces chimiques qui sont en très grande concentration. On comprend pas non plus pourquoi. Mmh. Donc, il y a un peu d'investigation à faire à ce niveau-là. Donc, ça va être l'un des chapitres de la thèse. Puis après ça, de tenter de faire une corrélation pour l'utiliser comme outil d'analogue planétaire. Ouais, en fonction de ce qu'on peut connaître pour l'instant de la surface de Europe. Est-ce que sur Europe, tu parlais d'un couvert de glace, mais c'est de la glace d'eau ou c'est de la glace d'autre chose? Oui, c'est de la glace d'eau. Ah oui. Après ça, il faudrait voir sa composition chimique exacte, là, mais oui, OK. c'est de l'eau, c'est de la glace d'eau. C'est quand même assez surprenant. Donc là, est-ce que bon, tu vas commencer ton doctorat à l'automne? Est-ce que ça veut dire que tu vas aller en Antarctique échantillonner de l'eau? Tu étais déjà venu à l'émission nous dire comment on échantillonne l'eau dans les lacs de l'Arctique. Est-ce que tu vas aller faire la même chose en Antarctique? C'est le plan. Donc, Ouais. en ce moment, je suis sur la liste. Donc, il n'y a rien de confirmé encore. C'est vraiment des petites équipes. C'est des endroits extrêmes, des endroits polaires extrêmes. Donc, les équipes sont un peu petites. La logistique est un peu plus compliquée. Donc, pour l'instant, je suis sur la liste. Les chances sont assez bonnes là, que je puisse y aller. Si je pars, ça va être en octobre, mais c'est des longs terrains, là. Moi, je suis habitué à partir dans le nord pendant quelques semaines, une semaine ou deux. Là, c'est des terrains de 2 mois, 3 mois, C'est puisque long, c'est difficile de c'est s'y rendre, donc ouais. on peut pas y aller n'importe quand, n'importe comment. Donc, une fois qu'on y est, on prend vraiment le temps qu'on a besoin pour faire nos échantillonnages et notre travail, puis d'en faire le maximum, là. Donc, ça demande beaucoup de préparation, mais c'est une perspective complètement différente de ce à quelle je suis habitué, là. Ah ouais, mais quand même, ça veut dire être isolé du monde pendant 2, 3 mois dans un. Parce que là, en octobre là-bas, c'est l'été, mais j'imagine que l'été, c'est quand même relatif. Ouais, bah ici c'est relativement confortable, là. On est autour de peut-être moins 10, moins 15 degrés là, donc c'est confortable je pense pour ces milieux-là, mais en Ouais, effet là ouais. c'est puis c'est des petits campements, là. On n'est pas sur des bases scientifiques, c'est Exactement. des campements avec des tentes, comme je disais, c'est des petites équipes là, Faut bien donc s'entendre. ouais, c'est ça. Ça amène enfin un autre point que souvent on a moins tendance à penser, mais c'est le côté humain de ça, hein, le Ouais. côté psychologique. Tu veux avoir des gens qui travaillent bien ensemble, puis qui vont être capables de résoudre des problèmes ensemble, puis de Ouais. savoir quand il y a des problèmes également, puis de t'sais, le partage, la division du travail, tout ça. C'est un peu comme les astronautes. Les astronautes sont pas choisis n'importe comment, ils sont pas juste choisis sur leur aptitude puis leur capacité. Des fois, sont choisis juste sur la base de est-ce que ces gens-là vont bien s'entendre, Ben, il va falloir revenir nous raconter tout ça à ton là. retour peut-être. Ben, déjà peut-être avant de partir et à ton retour, il va falloir que tu nous racontes l'évolution de ton travail de doctorat. Ça sera avec plaisir. Et en attendant, on va te souhaiter bon courage pour finir ta maîtrise. Il te reste 2 semaines à terminer et dans 2 semaines, ça y est, tu seras maître. On est dans le dernier droit en ce moment. Bon, alors bon courage, Daniel, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir au micro de Futur Sam nous raconter ton futur projet de doctorat. Merci Merci beaucoup. beaucoup.